Pour audiocité.net, le Père Achille d'Alphonse Daudet, paru en 1872 et lu par Alain Bernard. Midi sonne aux cloches des fabriques, les grandes cours silencieuses s'emplissent de bruit et de mouvement. La mère Achille quitte son ouvrage, la fenêtre où elle était assise, et se dispose à mettre son couvert. L'homme va monter pour déjeuner. Il travaille là, tout près, dans ces grands ateliers vitrés qu'on aperçoit encombrés de pièces de bois et où grincent du matin au soir les instruments des scieurs de long. La femme va et vient de la chambre à la cuisine, tout est soigné, tout reluit dans cet intérieur d'ouvrier. Seulement la nudité de deux petites pièces est plus frappante à ce jour éclatant du cinquième étage. On voit des cimes d'arbres, les buttes-chaumont tout en haut, et çà et là de longues cheminées de briques noircies au bord, toujours active. Les meubles sont cirés, frottés. Ils datent du mariage, comme ces deux bouquets de fruits en verre qui ornent la cheminée. On n'a rien acheté depuis, parce que, pendant que la femme tirait courageusement son aiguille, l'homme dépensait ses journées dehors. Tout ce qu'elle a pu faire, ça a été de soigner, d'entretenir le peu qu'ils avaient. Pauvre mère Achille, encore une qui en a eu des tristesses dans son ménage. Les premières années, surtout, ont été bien dures. Un mari coureur, ivrogne, pas d'enfant, obligé par son métier de couturière à vivre toujours enfermé, toujours seul dans le silence et l'ordre monotone d'une maison sans enfant, où il n'y a pas de petites mains pour brouiller les pelotons, ni de ces petits pieds qui font tant de poussière et de jolis trains. C'est cela surtout qui l'ennuyait. Mais comme elle était très courageuse, elle s'est consolée en travaillant. Peu à peu, le mouvement régulier de l'aiguille a calmé son chagrin et l'intime contentement du travail fini, d'une minute de repos au bout d'une journée de peine, lui a tenu lieu de bonheur. D'ailleurs, en vieillissant, le père Achille a bien changé. Il boit tout de même toujours plus que sa soif. Mais après, il se reprend mieux à son travail. On sent qu'il commence à la craindre un peu, cette brave femme, qui a pour lui des tendresses et des sévérités de mère. Quand il est ivre, il ne la bat plus jamais, et même, de temps en temps, honteux de lui avoir fait une jeunesse si triste, il l'emmène promener le dimanche au Lilas ou à Saint-Mandé. Le couvert est mis, la chambre en ordre, on frappe. Entre donc, la clé est sur la porte. On entre, mais ce n'est pas lui. C'est un grand beau garçon d'une vingtaine d'années, en bourgeron d'ouvrier. La mère d'Achille n'a jamais vu. Pourtant, il y a pour elle, dans l'expression de ce jeune et franc visage, quelque chose d'intimement connu et qui la trouble. Qu'est-ce que vous demandez? Le père Achille n'est pas là? Non, mon garçon, mais il va rentrer bientôt. Si vous avez quelque chose à lui dire, vous pouvez l'attendre. Elle avance une chaise, puis, comme il est impossible de rester inactive, elle se remet à coudre dans l'embrasure de la croisée. Celui qui vient d'entrer regarde curieusement tout autour de la chambre. Il voit une photographie au mur, s'approche et l'examine avec attention. C'est le père Achille, ça? La femme est très étonnée. Vous ne le connaissez donc pas? Non, ce n'est pas l'envie qui me manque. Mais enfin, qu'est-ce que vous lui voulez? Est-ce pour de l'argent que vous venez? Il me semblait pourtant qu'il ne devait plus rien à personne, nous avons tout payé. Non, non, il ne me doit rien. C'est même assez singulier qu'il ne me doive rien, puisque c'est mon père. Votre père? Elle se lève toute pâle. Son ouvrage lui glisse des mains. Oh, vous savez, madame Achille, ce n'est pas pour vous faire affront ce que je vous dis là. Je suis d'avant votre mariage. C'est moi le fils de Sidonie. Vous avez peut-être entendu parler de ma mère. En effet, elle connaît ce nom. Dans le commencement du ménage, ça l'a même rendue bien malheureuse. On lui disait que cette Sidonie, une ancienne de son mari, était une très jolie fille. Et qu'à eux deux, ils faisaient le plus joli couple du pays. Ces choses-là sont toujours dures à entendre. Le garçon continue. Ma mère est une brave femme, allez. D'abord, on m'avait mis aux enfants trouvés. Mais à 10 ans, elle m'a repris. Elle a travaillé ferme pour m'élever, pour me faire apprendre un état. Ah, je n'ai rien à lui reprocher, à elle. Mon père, lui, c'est autre chose. Mais je ne suis pas venu pour cela. Je suis venu seulement pour le voir, pour le connaître. C'est vrai, ça m'a toujours taquiné, cette idée de ne pas connaître mon père. Tout petit, ça me tourmentait déjà. Et j'ai bien souvent fait pleurer ma mère avec mes questions. Je n'ai donc pas de père, moi. Où est-il? Qu'est-ce qu'il fait? Enfin, un jour, elle m'a avoué la vérité, et tout de suite, je me suis dit, il est à Paris, eh bien, j'irai le voir. Elle voulait m'en empêcher. Puisque je te dis qu'il est marié, que tu ne lui es plus rien, qu'il ne s'est jamais informé de toi, ça n'a rien fait. Je voulais le connaître à toute force. Et ma foi, en arrivant à Paris, j'avais son adresse. Et je suis venu tout droit. Il ne faut pas m'en vouloir, c'était plus fort que moi. Oh non, ne lui en veux pas. Mais au fond du cœur, elle est jalouse. Elle pense en le regardant qu'il a de bien mauvaises chances dans la vie, et qu'il aurait dû être pour elle, cet enfant-là. Elle pense en le regardant qu'il y a de bien mauvaises chances dans la vie, qu'il aurait dû être pour elle, cet enfant-là. Comme elle l'aurait bien soigné, bien élevé. C'est qu'en vérité, c'est tout le portrait d'Achille. Seulement, il a en plus un air d'effronterie et ne peut pas s'empêcher de penser que son fils à elle, ce fils tant désiré, aurait eu quelque chose de plus posé, de plus honnête dans le regard et dans la voix. La situation est un peu embarrassante. Ils se taisent tous les deux. Chacun songe de son côté. Tout à coup, on entend des pas dans l'escalier. C'est le père. Il entre, long, voûté, avec la démarche traînante de l'ouvrier qui a passé beaucoup de lundi à flâner par les rues. Tiens, Achille, dit la femme, voilà quelqu'un qui veut te parler. Et elle s'en va dans la pièce à côté, laissant son mari et le fils de la belle Sidonie en face l'un de l'autre. Au premier mot, Achille change de figure. L'enfant le rassure. Oh, vous savez, je ne vous demande rien. Je n'ai besoin de personne pour vivre. Je suis seulement venu vous voir, pas plus. Le père balbutie. Sans doute, tu as. Vous avez très bien fait, mon garçon. C'est égal, cette paternité subite le gêne un peu, surtout devant sa femme. Il regarde du côté de la cuisine et baissant la voix, tenez, descendons, il y a un marchand de vin en bas, nous serons mieux pour causer. Attends-moi, la mère, je reviens. Ils descendent, s'attablent devant un litre et on cause. Mais qu'est-ce que vous faites? Demande le père. Moi, je suis dans la charpente. Le fils répond, je suis dans la menuiserie. Est-ce que ça va bien chez vous, les affaires? Non, pas fort. Et la conversation continue sur ce ton, quelques détails de métier, et c'est par là seulement qu'ils se tiennent. Du reste, pas la moindre émotion de se voir. Rien à se dire. Rien. Pas un souvenir commun. Deux vies complètement séparées, qui n'ont jamais eu la moindre influence l'une sur l'autre. Le litre fini, le fils se lève. Allons, mon père, je ne veux pas vous retarder davantage. Je vous ai vu, je m'en vais content. À revoir. Bonne chance, mon garçon. Il se serre la main froidement. L'enfant part de son côté, le père remonte chez lui, ils ne se reverront jamais.